Zygomar, bouche en cœur, par Léon Sazy. Livre troisième, Chiffon. Chapitre premier, À nous les millions. Au Ravenel, la vie reprit son cours normal. On y sentait la tristesse que causait le départ du fils, mais chacun cependant se remit à son travail. Restait à savoir comment Madeleine, qui avait en somme approuvé le départ de Jacques, supporterait cette longue absence. Durant les premiers jours, elle alla toute triste faire de longues promenades avec le petit Fernand. Elle semblait chercher quelqu'un. Quelque chose lui manquait. Plusieurs fois, on l'entendit tout à coup appeler « Jacques, mon ami Jacques !» Ou bien elle criait dans le vent « Jacques, tu reviendras, pour toujours !» On fut d'abord inquiet, et soit Charles, soit sa femme Ernestine, de loin, suivaient la demande quand elle partait en promenade avec le petit Fernand. Il était à craindre, en effet, que Madeleine, poussée par le désir de revoir plus tôt son ami Jacques, partit à l'aventure et se perdit dans les bois. Mais bientôt, ses craintes disparurent. D'ailleurs, on avait recommandé au petit Fernand de ne pas quitter les Ravenel et d'appeler si Madeleine voulait l'entraîner au-delà des champs du père d'Almay. Cela ne se produisit pas. Madeleine ne s'écartait pas beaucoup de la maison. Elle semblait au contraire ne pas vouloir aller loin, avoir peur de s'égarer. Mais comme toujours, elle rentrait avec des herbes, des branches, des fleurs. « Voilà, » disait-elle en les disposant, « voilà des fleurs pour quand Jacques reviendra. Lui, il reviendra pour toujours. Jacques ne dormira pas. Il ne dormira pas. » Ce n'était plus maintenant que très rarement qu'elle parlait du père de sa Paulette. Très rarement, elle disait, comme au premier jour, « Armand doit venir. Nous l'attendons. » Rarement aussi, elle répétait son douloureux, « Il dort. Il dort. » Ce phénomène se produisit en elle que peu à peu s'effaçait le souvenir d'Armand, comte de Saint-Rion, et qu'à sa place venait s'établir le souvenir de Jacques, son ami Jacques, qui allait revenir pour toujours. Le jeune avocat, au cours d'une partie de chasse, avait poussé jusqu'au Ravenel quelque temps après le départ de Jacques. Il assista à l'une de ces scènes où Madeleine disposait des fleurs pour son ami qui allait revenir. Le père d'Almay lui dit alors qu'elle commençait à oublier le père de son enfant. « Cela s'explique, » s'écria le jeune homme, « cela est tout naturel. Ce qui fait qu'elle oublie le comte de Saint-Rion, c'est qu'elle éprouve une invincible et instinctive répulsion pour le revenant. » Le jeune avocat Thirion ne désarmait pas, on le voit. Il n'en pouvait dire plus long. Comme le bon juge du Ranton, il attendait le hasard. Il prit l'habitude de venir, de temps en temps, voir ses amis des Ravenel, et demandait des nouvelles de l'absent, de Jacques, pour qu'il se sentait une sincère amitié. Un jour, il annonça au vieux fermier « Le comte de Saint-Rion a informé de son départ pour l'Amérique, M. Duranton. » Chacun s'écria « Tant mieux !» L'avocat ajouta « Souhaitons qu'il ne revienne pas !» Le comte, en effet, se disait rappelé. Il devait regagner ses usines. Il tenait aussi à laisser le temps agir et modifier les sentiments de Madeleine en amenant la guérison ou, au contraire, la perte absolue de la raison, car il comptait sur le retour de Paulette. De toute façon, que Madeleine devint ou non sa femme, lui, le père de Paulette, en aurait la tutelle, la garde. Il aurait la jouissance de l'héritage de son enfant. Avant de partir, il renouvela ses promesses de prime pour qu'il retrouverait Paulette. Pendant ce temps, il avait, lui, de son côté, fait rechercher la belle bourbonnaise par ses associés. Il ne douta pas un instant que ce ne fut elle qui avait emporté la fillette. Mais toutes les démarches qu'il entreprit pour retrouver Zélie demeurèrent sans résultat, et pour la première fois peut-être, Zygomar se trouva en défaut. Il ne pouvait agir que très discrètement, et ne devait pas courir le risque de tomber sous le coup d'un énorme chantage. Il connaissait assez Zélie pour savoir qu'elle ne manquerait pas de l'organiser. La belle bourbonnaise saurait profiter de la circonstance pour tirer du complice de l'illustre Perpignan, du chef des aides, même de Zygomar, le plus d'argent possible. Elle saurait exploiter l'enfant. Peut-être même, Zélie voudra-t-elle pousser les choses très loin et faire payer cher à Clouteau l'abandon, la trahison, en somme, dont il s'était rendu coupable envers elle et envers Bouchancœur après l'affaire de la tilleuse. Perpignan et Zélie étaient avides, insatiables. Clouteau devrait payer. Il leur fermera la bouche avec une poignée d'or ou une menace terrible. Mais il se sentait cependant à la merci de ses deux complices, dont la moindre parole imprudente, la moindre déclaration, pouvait démolir tout l'échafaudage de Zygomar. Cependant, il ne pouvait agir sans eux. Si réellement, et il n'en doutait pas, C'était la belle bourbonnaise qui gardait l'enfant. Il lui serait difficile, très dangereux même, d'entrer en négociation avec elle. Cependant, elle seule pouvait certifier l'identité de Paulette. Mais l'héritage de la bonne Madame Berton valait bien qu'on essayât l'affaire. Zigomard était résolu à tout pour voir sa prétendue fille, Paulette, fille du comte de Saint-Rion. Il se sentait disposé à pousser même jusqu'au crime, à supprimer la belle bourbonnaise pour lui ravir Paulette. Mais alors, il lui faudrait établir l'identité de l'enfant. Et comment ? Cela n'était possible qu'avec les déclarations de celle qu'il avait enlevée lors de l'incendie. Dans ce cas, la belle bourbonnaise se ferait payer un prix exorbitant, ou dénoncerait plutôt. De toute façon, le Forban se voyait dans une passe difficile dont il ne lui serait pas commode de sortir. « Allons, se dit-il, je suis dans un guépier. Fatalement, j'y laisserai des plumes, de belles plumes. » Cependant, il comptait, comme toujours, que son esprit souple, son ingéniosité, lui fournirait le moyen de jouer une fois de plus, et la belle bourbonnaise et l'illustre Perpignan bouche en cœur dès sa sortie de prison. « Bon, fit-il, je ferai semblant de céder. J'accéderai à toutes leurs conditions. Je souscrirai à toutes leurs exigences, puis je m'arrangerai, quand j'aurai l'enfant et les preuves, quand j'aurai établi l'identité de Paulette, qu'elle sera reconnue comme ma fille par cet excellent notaire, je saurai m'arranger pour verser mes associés le moins possible, pour leur reprendre même ce qu'ils auront obtenu et les faire disparaître. » Mais ce fut en vain qu'il fit rechercher par ses hommes la belle bourbonnaise, que lui-même, incognito, redevenant le Clouteau d'antan, se faufila dans tous les endroits où il pensait retrouver la femme de son ami Bouchancœur. Zélie demeura introuvable. Nous savons précisément que Zélie, de peur d'être reconnue, retrouvée, arrêtée, de peur d'aller partager le sort, peu enviable, de son cher Bouchancœur, se garda bien d'aller dans les endroits où autrefois elle fréquentait avec son illustre époux. Le comte de Saint-Rion, ou Clouteau, ou Zigomard, en fut pour ses frais d'expédition, de recherche. Comme il devait partir pour l'Amérique, il ne gardait plus qu'un espoir de mettre la main sur le couple remarquable. Il lui fallait attendre la sortie de prison de l'illustre Perpignan. Il était certain que les deux époux assortis se rejoindraient à la fin de la peine de 5 ans infligée aux voleurs de montres, aux cambrioleurs de la tilleuse incendiée. Alors il serait facile de mettre la main dessus. C'était donc quelque temps à attendre. À moins que d'ici là, le hasard ne servît la police dans ses recherches et qu'elle n'arrivât enfin à découvrir Paulette et celle qui la gardait. Donc, celui qui maintenant était le comte de Saint-Rion en attendant ces événements se rendit en Amérique. Zigomard avait besoin d'argent et pensait en tirer de ses exploitations. Mais là, un écueil insurmontable se présentait. Les Américains ne se contentent pas de mots ou de preuves morales, il leur faut des actes. Or, Clouteau Alexandre pouvait ressembler physiquement au comte de Saint-Rion, au point d'être pris pour lui par tous ceux qui avaient connu le véritable Armand. Il existait un point sur lequel il était impossible de continuer à tenir tout le monde dans l'erreur. Alexandre était certes très intelligent, il avait une facilité d'assimilation extraordinaire, et pouvait être superficiellement au courant des affaires de celui dont il prenait la personnalité dont il occupait la place. Mais son intelligence et tous ses dons d'assimilation, sa mémoire merveilleuse ne pouvait supplier au fond acquis aux études spéciales de l'ingénieur. Clouteau le comprit tout de suite. Il vit qu'on ne tarderait pas à s'apercevoir de son incapacité comme ingénieur. Là était le danger le plus sérieux pour lui. Mais Zigomard n'était pas homme à s'effrayer de cela. À son premier voyage après l'assassinat du comte, à son premier voyage de substitution, si l'on peut dire ainsi, il sut se tirer d'affaire habilement, ne pas donner l'éveil. Il n'eut d'ailleurs, durant ce séjour, qu'à écouter les autres ingénieurs, qu'à approuver ce qui avait été arrêté pendant son absence. Maintenant, au deuxième voyage, il lui faudrait reprendre sa place et se mettre à son travail d'ingénieur. C'était impossible. Zigomard déjoua le péril. De retour en Amérique, il raconta à chacun ses malheurs, fit part de l'atroce infortune qui le frappait. « J'ai travaillé toute ma vie pour Madeleine, dit-il, pour ma femme, et au moment où je comptais la revoir, la tenir enfin, au moment où j'atteignais le bonheur, ce désastre m'arrive. Ma femme est folle. On m'a volé mon enfant, ma fille. Maintenant, je n'ai plus de but dans la vie, plus de goût à rien. Le travail me répugne. Je sens que je suis fortement déprimé par mes malheurs. Je n'ai plus le même cerveau bien équilibré. J'ai peur de commettre quelque erreur préjudiciable à tous. N'étant plus sûr de moi, je ne dois plus loyalement assumer la moindre responsabilité. Il donna sa démission d'ingénieur, ou plutôt céda, moyennant une jolie redevance, son poste à un ingénieur qui cherchait un emploi. Et il négocia ses parts dans les différentes entreprises où le comte de Saint-Rion se trouvait intéressé. En Amérique, on ne s'étonne de rien, et personne ne pensa s'inquiéter de la décision du comte de Saint-Rion. Chacun doit savoir diriger ses propres affaires et se conduire. S'il plaisait au comte d'agir ainsi, cela le regardait. D'ailleurs, on n'avait pas le temps de s'occuper plus longtemps du comte. On le laissa agir comme bon lui semblait, en trouvant toutefois que les Français n'ont pas le cerveau solide, qu'un chagrin les abat. Le comte, qui joua admirablement la tristesse, se mit alors à voyager, à boire. « Pour m'étourdir, pour oublier mes chagrins, » disait-il. En vérité, Zigomar se lançait dans le seul genre de vie qui lui convint, vie de fête, de débauche et d'autres exploits de forban. Celui qui déclarait, portant de peine, pleurait éternellement son amour brisé, perdu, le deuil de Madeleine, de son enfant, se trouva dans toutes les villes où l'on s'amuse, où l'on joue, où l'on vole. Cependant, les années passèrent et un beau jour, l'illustre Perpignan signa sa levée d'écrou. Bouchancœur était libre. Tout d'abord, le banquiste se sentit extrêmement désorienté quand il se vit hors de la prison. Que faire? Qu'allait-il devenir maintenant? Il se trouvait seul dans la vie et ne savait vraiment de quel côté diriger ses pas. La dernière fois qu'il était sorti de prison, la fidèle Zélie se trouvait à la porte pour l'attendre. Mais aujourd'hui, Bouchancœur ne voyait personne. Les derniers mois, il les avait passés à Poissy. C'est là qu'il reconquit la liberté. Une fois hors de prison, il descendit vers la ville, en quête d'un débit, d'un marchand de vin, d'un cabaret quelconque, où il prendrait son premier verre de liberté, et aussi une friture dont il était extrêmement friand. Il était là, en face d'un litre de vin blanc et d'une assiette de goujon, méditant sur les événements présents et maudissant la fragilité des sentiments des femmes qui le privaient de la compagnie de Zélie. Tout à coup, une main se posa sur son épaule. Bouchancœur se retourna. Un cri de joie, de bonheur énorme, sortit de sa gorge. « Zélie, moi !» Et les deux majestueux personnages se donnèrent une longue et chaleureuse étreinte. « Toi, Zélie ? Oui, moi. Mais comment ? Je sais compter les années, les mois, les jours. » Et tu m'attendais, parbleu! Comment as-tu su que j'étais ici à Poissy? Par des copains qui avaient fini, ça fait plus de 8 jours que je rôde par ici, t'attendant. Enfin, nous voilà réunis. Ma bonne Zélie, bah, ma bonne Zélie, si tu savais combien je suis content de te revoir. Et moi donc? On va recommencer sa vie. On se tirera bien d'affaire. Facilement, à nous deux. Nous redeviendrons artistes. Je n'ai pas cessé de l'être. Et si le clouteau? La belle bourbonnaise lui ferma la bouche. « Parlons pas de ça encore. Tu l'as revu ? Non, mais j'en ai long à te raconter sur ce monsieur. Si jamais il me tombe sous la patte, ah, je te donne ma parole que ce ne sera pas comme la dernière fois. D'abord, je commence par lui casser les reins, puis je l'étranglerai. » La belle bourbonnaise sourit. « Calme-toi, Bouchancœur, calme-toi, mon ami. Il y aura mieux à faire que cela. Cet homme, c'est notre banquier, c'est notre fortune, c'est notre rente viagère que Clouteau. Tu dis ? Fit l'illustre Perpignan en ne comprenant pas. « Tu dis ? Je t'expliquerai ça plus tard. C'est long. Nous aurons à discuter longuement, sérieusement. Et je crois que cette fois, sans risque, sans prison à la clé, sans aucun ennui, nous réussirons à faire payer, je dis bien, à faire payer chèrement à Clouteau le tour qu'il nous a encore joué à la tilleuse et toutes ses trahisons. Tant mieux. Mais pour le moment, silence. On peut nous entendre. Et comme je meurs de faim, le gosse aussi. Fais-nous servir une friture et encore une bouteille. Tu as dit le gosse ? Demanda Bouchancœur. Quel gosse ? Ah, c'est vrai, tu ne sais pas. Je t'expliquerai encore ça plus tard. Pour le moment, ne t'étonne de rien et fais comme si tu savais. La belle bourbonnaise appela. Chiffon ! Chiffon ! Un garçonnet malingre, chétif, tout blond, tout pâle, avec dans le visage maigre des yeux bleus qui semblaient immenses, apparut à la porte de la tonnelle dans laquelle, au bord de l'eau, se tenaient Zélie et l'illustre Perpignan. « Voilà mon gosse, mon petit-fils, » dit la belle bourbonnaise. « Viens, Chiffon, viens, mon petit. Viens dire bonjour au mari de ta grand-mère qui arrive de voyage. » Chiffon, timide, apeuré, s'avança. l'illustre Perpignan ajusta son monocle étoilé qu'on lui avait rendu au greffe de la prison et regarda l'enfant. Puis il lui tendit sa large main dans laquelle Chiffon posa la sienne, non sans trembler un peu. Cet homme si grand, si laid, tout rasé, l'effrayait, avec sa bouche tordue, sa bouche en cœur. De ses yeux bleus, profonds, inquiets, il le regardait et se demandait ce que pouvait bien être cet homme, ce mari survenu tout à coup, dont jamais sa grand-mère ne lui avait parlé. Perpignan, désireux à tout hasard de se concilier les bonnes grâces de l'enfant, lui dit « Bon, mon petit, assieds-toi là, entre ta grand-mère et moi, tu vas manger. Aimes-tu les poissons frits, les goujons ?»« Oui, monsieur, » répondit l'enfant timidement. « Dis-moi, grand-père, puisque je suis le mari de ta grand-mère. » Non sans peine, Chiffon articula. « Oui, grand-père. » La pauvre Paulette, depuis la rue Nollet, depuis qu'elle roulait sur toutes les routes de Belgique et de France, appelait la belle bourbonnaise grand-mère. Pauvre Paulette, pauvre chérubin. Les joies étaient rares pour elle. Cela lui faisait paraître grand le moindre plaisir. Ce fut pour elle comme une fête de croquer des poissons frits, entourés de persil grillé. La friture classique des petits restaurants qui se trouvent sur la Seine. Il commença à avoir moins peur de ce gros homme, qui lui donnait les plus gros poissons qu'il prenait dans le plat. Elle riait, jouait en mettant dans le poisson doré ses petites dents blanches. « Tu es content, dit Chiffon ?» lui demandait Zélie. « Oui, grand-mère. Alors tu aimeras bien ton grand-père ?»« Oui, grand-mère. »« Bien, mon garçon, bien, » fit Perpignan. « Alors ça marchera tout seul. » Mais la belle bourbonnaise avait à causer avec son mari. Il fallait écarter l'enfant. « Viens avec moi, » dit l'illustre Perpignan en prenant Chiffon par la main. « Je vais t'acheter une ligne. Tu iras pêcher des poissons comme cela. Seulement, ils ne seront pas cuits. » Chez un marchand d'articles de pêche voisin du restaurant, Bouchancœur acheta un roseau et une ligne à Chiffon. Puis il le fit asseoir dans une barque, et après lui avoir montré comment amorcer sa ligne, il alla retrouver son épouse. À la friture avait succédé le café. Le café n'allait jamais sans liqueur. La belle bourbonnaise avait récolté quelques sous. L'illustre Perpignan avait ramassé quelque argent pendant sa détention. Il l'avait reçu au greffe en sortant, ainsi que son monocle et son chapeau haute forme. On pouvait bien, pour célébrer la rencontre, se payer un petit extra. Et l'hôtelier lui apportait un litre de cognac en place du simple carafon. Naturellement, dans ce bosquet, la belle bourbonnaise ne se mit pas à parler avec son époux des événements que nous connaissons. On aurait pu l'entendre, ce eût été dangereux. Je te dirai tout cela ailleurs, en plein champ, quand nous sommes sûrs qu'aucune oreille ne se trouvera dans le feuillage. Mais dès ce moment, ils arrêtèrent le plan de conduite, leur genre de vie, ce qu'ils devaient faire. « À mon avis, » dit la belle bourbonnaise, « nous ne devons pas encore entrer dans Paris. On te connaît, on me connaît. Or, on te suivrait. Tu es trop frais sorti de prison, et on s'étonnerait de nous voir ensemble. Peut-être bien. Il est plus que certain qu'on m'a cherché depuis l'incendie de la Tilleuse. Je l'ai su, et le clouteau a lancé à nos trousses ses hommes, ses aides, que j'ai eu du mal à dépister. Si on voit avec toi maintenant une femme, qui correspond signalement envoyée partout de la paysanne qui a enlevé la fille du comte de Saint-Rion, de Madeleine Marnier, tu penses qu'on voudra rattraper le temps perdu à me chercher sans me trouver et qu'on s'empressera de me mettre la main au collet. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, approuva Perpignan. Alors tout serait perdu, poursuivit Zélie. Tandis que nous avons de sûrs moyens de finir nos jours dans la peau de bons et solides rentiers. Oui, ce serait fou de compromettre notre affaire en venant à Paris. Alors, où irons-nous? Loin de Paris, loin de Poissy. Encore faut-il savoir où. À mon avis, nous devrions descendre dans le Midi. Dans le Midi? Oui, j'ai fait la Belgique, la Suisse, le nord de la France, l'Est. Je suis un peu brûlé par là. Il me reste le Midi, l'Espagne. Bon, ça m'est égal. Nous attendrons quelque temps dans ces régions, un an, deux ans peut-être. Puis, quand par les journaux, nous aurons appris que le comte de Saint-Rion se trouve à Paris, nous ferons nous aussi notre entrée dans la capitale. À cause du comte de Saint-Rion ? Fit Perpignan étonné. Pourquoi ? Parce que, dit tout bas la belle bourbonnaise, parce que le comte de Saint-Rion, c'est Clouteau. L'illustre Perpignan ne peut retenir un juron terrible. Il donna un grand coup de poing sur la table. Mais la bouteille de cognac qui saute en l'air faillit tomber et qu'adroitement il rattrapa au vol, le rappela à la réalité des choses et le remit dans le chemin de la prudence. La bouteille d'ailleurs était presque vide. Quand elle fut finie, Perpignan paya. Puis on rappela Chiffon qui, sans grand enthousiasme, pêchait. C'était un jeu qui eût plu à un garçon, mais sous son costume de garçon, Chiffon n'en était pas moins Paulette, une petite fille. La famille se mit en route. Elle comptait traverser la forêt de Saint-Germain. La route n'était pas très excessive. Paulette avait déjà fait des trottes plus longues. À Saint-Germain, Perpignan, son épouse et leur petit-fils prirent le train qui, par une bifurcation, les amena à Versailles. Ils ne voulaient pas toucher Paris et cherchaient à s'en écarter rapidement. De Versailles, ils se dirigèrent sur Orléans. D'Orléans, ils gagnèrent Bordeaux, divisant leur voyage en 3 ou 4 étapes. À Bordeaux, ils descendirent dans un hôtel de quartier excentrique. Là, pendant que Chiffon, fatigué, dormait comme dorment les enfants, la belle Bourbonnaise et son illustre époux, après s'être assurés que personne ne pouvait les écouter et surprendre leur conversation devant une bouteille de cognac, produit du pays, affirma le marchand, parlèrent enfin de leurs affaires. « Voilà, dit la belle Bourbonnaise, cet enfant, c'est Paulette, la fille du Madeleine Barnier et du comte de Saint-Rion. Pourquoi l'as-tu habillée en garçon? Pourquoi ne la reconnaisse pas? Après la fièvre typhoïde, elle a tout oublié. Elle ne se souvient ni de sa mère, ni de son nom. Elle sait qu'elle s'appelle Chiffon et croit que je suis sa grand-mère. Bon, c'est la petite que, m'étant déguisée en paysanne, j'ai enlevée, sauvée du feu, dans l'incendie de la tilleuse. Tu ne voulais pas, toi. J'ai eu tort. Bon, après. Or, j'ai aussi enlevé une cassette qui se trouvait sur la commode de la chambre de sa mère. Et dans cette cassette, il y avait d'abord quelques billets de 1000 francs. Tu les as ? Fit vivement Perpignan. Je les ai mangés. Tous ? T'en as eu ta part, tant qu'ils ont duré. C'est vrai, merci. Après, avec ces billets se trouvaient des lettres sans grande importance, mais d'autres papiers qui seront la source de notre fortune. Ah, raconte. Parmi ces papiers, il y a des lettres d'amour du comte de Saint-Rion à sa femme, des lettres de reproche de Madame Berthaud à Madeleine, puis une lettre annonçant que la bonne dame pardonnait et qu'elle consentait à être la marraine de Paulette. C'est d'un bon sentiment, mais je ne vois pas encore. Attends. Il y a aussi une lettre de cette bonne Madame Berthon, qui, très malade, annonce qu'elle fait son héritière Paulette, sa filleule, et un acte de notaire, de l'étude Grimois, qui prouve le fait, étant une copie du testament de la bonne marraine. Or, ce testament lègue à l'héritière Paulette, qui ne pourrait les toucher qu'à sa majorité, quelques millions. Bouchancœur fit un bond à ces mots. Hé hé, quelques millions. Oui, quelques millions qui appartiennent à Chiffon. À Chiffon, parfaitement. L'illustre Perpignan tremblait de saisissement. Il jeta un coup d'œil dans la pièce où dormait l'enfant. Comment, ce gosse, ce bout d'enfant, ce Chiffon, est héritier de plusieurs millions? Chiffon est plusieurs fois millionnaire? Puis à Zélie, il dit encore. Mais je ne vois pas comment nous pourrons-nous toucher quoi que ce soit de ces millions. Attends, attends. Bon, dis vite, dis vite. Avec ces documents se trouvent d'autres papiers qui prouvent l'identité de Paulette. J'ai des portraits d'elle, enfant, des portraits de sa mère et le médaillon précieux que portait son père quand l'aventure du calvaire lui est arrivée. Après, après, fit Bouchancœur. Donc, nous avons nous, Paulette, et les preuves indiscutables que cet enfant, que mon Chiffon, eh bien Paulette, fille de Madeleine Marnier et du comte de Saint-Rion. Tu as tout ça dans la cassette. J'ai même la cassette dans ma poche entrepôt, tu sais bien. Parfaitement. Et la cassette, quoique un peu gênante, a fait du chemin avec moi, ne m'a pas quitté une seconde. Je comprends ça. Or, voici, le plus important, le point où nous tenons le clouteau. Ah, hein. Le point où nous allons nous venger de lui, où nous allons lui faire largement payer ses trahisons. C'est ici, Perpignan, que nous allons toucher, nous, notre part des millions de Paulette. J'écoute. Clouteau a tué le comte de Saint-Rion pour se mettre à sa place. C'est clair comme le jour. Nous l'avons aidé bêtement dans cette triste besogne, et quand il a eu ce qu'il voulait, quand il lui fait disparaître le corps du comte par le feu, il nous a tout bonnement abandonné, afin de garder pour lui seul tout l'argent. Parbleu, c'est son habitude. Or, Clouteau a été roulé par Clouteau, comment cela? Il a compté que le feu détruirait non seulement le corps du véritable comte de Saint-Rion, mais aussi Madeleine Marnier, la femme du comte. Oui, Madeleine Marnier, morte, brûlée, ne pouvait forcément reconnaître l'imposture de Clouteau. Et Clouteau, père de Paulette, sa fille reconnue, devenait l'usufruitier, selon le testament, de toute la fortune de cette bonne Madame Berthon, naturellement. Mais Clouteau a compté sans le hasard. Il a cru que Paulette n'était pas à la ferme ce soir-là, qu'elle était chez les Dalmets, qu'il pourrait la réclamer. Or moi, j'ai sauvé Paulette et je l'ai emportée. Et le sergent Dalmé a sauvé Madeleine. Elle est vivante, oui, mais folle. Folle ? Et tant que Madeleine sera folle, continua Zélie, Clouteau, qui se fait passer pour le comte de Saint-Rion, ne pourra l'épouser. Et tant que nous aurons, nous, Paulette et ses papiers d'identité, la copie du testament, Clouteau ne pourra toucher au million de la marraine. Bravo, bravo ! Fit Perpignan. Je comprends. Nous avons Paulette. Nous la donnons à Clouteau. Mais contre le partage des millions, voilà, un tiers chacun, un tiers toi, un tiers moi. C'est lui qui a fixé ainsi le partage. Et encore, lui demandons-nous quelque chose pour te dédommager de la prison. Je n'y manquerai pas. Voilà pourquoi je crois qu'il est bon de rester ici, dans le midi, jusqu'à ce que nous apprenions que Clouteau, autrement dit le comte de Saint-Rion, est de retour à Paris. Ce jour-là, il ne verra apparaître. Alors l'illustre Perpignan emplit le verre de son épouse et emplit aussi le sien. « Bravo Zélie, tu as bien travaillé, mes compliments. Allons à ta santé, à nos futurs millions, à nos millions. »